On ramasse le taille, on se casse en indé. Regarde bien mon index, les 3, 5, 7, les paquets au fond de la caisse. On ramasse le taille, on se casse en indé. Regarde bien mon index, les paquets au fond de la caisse. Depuis petit peu, moi je suis pisté. Mon ref, on l'a pas fait par piston. Baba, je serai toujours ton petit fils. Ton, pourquoi quand j'arrive, y'en a plein qui se pèse. Eh, s'agit quoi cette année? Prends-moi au sérieux quand je te parle d'album. La plus chaude au disque, maintenant t'as cette année. Avec les vrais, de vrais, de vrais qui mourent d'abord. Quand je mangeais des bières, pourquoi à ce moment tu me regardais même pas? Qui c'est qui fait le fou qu'on le bip sa mère? Bombard, j'ai plus le temps de revenir au départ. Rappelle-toi au début quand je faisais 10 000 vues, on était tout contents. Dis-moi qui l'aurait cru, dis-moi qui savait que j'allais pas perdre mon temps. Eh, je me rappelle de ce qui s'est passé la veille. Mais tout d'un coup j'oublie tout. Je comprends pas pourquoi quand je suis en 2GA, j'ai toujours un doute. Je leur dis que je suis ma terre et j'ai plus besoin de ton père. J'ai grandi dans le fric, mais je suis toujours près de mon père. Et quoi qu'il dise, ego, et dis-moi et quoi qu'on fasse. Il nous sous-estime, ego, donc on laissera plus d'une trace. Dans le check car je suis en sûr, pète en ce moment dans ma tête c'est la survie. J'oublie tout quand ça monte au faux, serre à ce moment de m'enlever la vie. Au bombard à 270, sur le terrain je suis posé, perte de Air Max 270. Des kilos à faire partir, des lovers à y investir. Quand est-ce qu'on se tire, ego, mais dis-moi quand est-ce qu'on se tire. J'ai les deux pieds dans ma tête, toi t'es pas dans ma tête. Si on part à la guerre, je regarde si tu manques à la tête. Tu ne verras jamais boire une bière, jamais prendre de pause. Avant de bouchonner, je vais affiter bien la pesette. Un moment va falloir arrêter. Arrêtez de dire que je suis pas rappé. Oh, je m'attends pas à plus pareil. Si c'est la guerre, donc faudra pas me rater et m'arrêter. Tu pourras pas, non, t'es pas fouté. Juste un petit peu rabat. J'ai bien rêvé de Bora Bora, mais pour l'instant, je suis bloqué dans le dernier bat. Je l'en tiens que je m'interroge et j'ai plus besoin de ton père. J'ai grandi dans le fric, mais je suis toujours près de mon père. Et quoi qu'il dise, ego, et dis-moi et quoi qu'on fasse. Il nous sous-estime, ego, donc on laissera plus d'une trace. J'ai qu'un chanceur, mais en ce moment dans ma tête c'est la survie. Je fais tout quand ça monte au beau, c'est à ce moment de m'enlever la vie. Au bombard à 270, sur le terrain j'suis posé, ça fait Air Max 270. Faire de Air Max 270, pousse KR mon vol. On ramasse le taille, on se casse en indé. Regarde bien mon index.